soir c'est la fête des grands-mères. Je ne veux pas me vendre. En plus c'est son anniversaire. Je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas m'emmerder 2 heures chez mamie pour 100 francs et demi. Tous ces petits-fils y vont, mais moi je ne veux pas me vendre. Ressortent les poches pleines de ronds. Non, je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas m'emmerder 2 heures chez grand-mère pour 100 balles, c'est clair. Tu peux insister, maman, je ne veux pas me vendre. Me proposer 200 francs, je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas m'emmerder 2 heures chez la vieille pour un peu d'oseille. Ce soir c'est la fête des grands-mères. Je ne veux pas me vendre. En plus c'est son anniversaire. Je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas m'emmerder chez cette morue pour 100 francs ni même plus. La la la la la la la. Je ne veux pas me vendre. La la la la la la la, je ne veux pas me vendre. Je ne veux pas me vendre.